Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien 88-679-41-94. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins et Plaine Boréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... C'est les championnats du monde de hockey junior qui se poursuivent demain avec les demi-finales. On va en parler avec André Ouellet. Salut, Well. Salut, Danny, ça va? Je vais profiter pour te souhaiter beaucoup de santé, de bonheur et beaucoup de... Mais beaucoup de santé. S'il n'y a pas de santé, ça va nulle part. C'est très gentil. Je te souhaite la même chose. Puis continue avec la radio. J'aime bien ça. J'aime bien ça te suivre. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça te suivre aussi. Puis je vais te féliciter pour ça. Well, qu'on peut lire sur ParamountHockey.com et également dans l'Étoile du Lac. Donc, tu as toujours des bons articles de Well. Hey, Well, t'es-tu excité par Ilya Kovalchuk? Écoute, je me peux plus, Danny, je me peux plus. Ouais. Ben, tu sais, j'en parle depuis un matin, puis c'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, ben non, je trouve que pour le prix, pour la situation contractuelle, je trouve que c'est très bien pour le Canadien parce que Kovalchuk n'a pas 51 ans, là, il a 36. Son coup de patin est encore très explosif. Son lancer du poignet est encore très solide. Puis là, je regarde actuellement sur la première unité du Canadien, quand je vois Philippe Dano et Nick Cousin, ben je me dis, on n'a pas grand-chose à perdre avec Kovalchuk. C'est sûr qu'on n'a rien, on n'a pas grand-chose à perdre. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce qui va faire la différence. Là. Le gars, il jouait même plus que les Kings de Los Angeles, la pire équipe de l'Ouest. Là. Mais dis-toi une chose, parlant des Kings, parce que c'est une équipe que je suis beaucoup, évidemment, c'est une de mes équipes préférées, donc je les suis beaucoup. C'est un peu le nouveau cimetière à joueurs de la Ligue nationale. Donc, faut en prendre puis en laisser. C'est pas parce que Kovalchuk, ça fonctionne pas avec les Kings que ça fait de lui un mauvais joueur. T'sais, c'est une question d'utilisation, c'est une question de coaching. Puis, à Los Angeles, on le saisait un petit peu mal. On voulait faire la place aux jeunes aussi, ce qui était compréhensible. Puis à Montréal, mais la situation est différente. On veut gagner, fait que je pense que le fit est meilleur à Montréal qu'il l'était à Los Angeles. OK. Well, demain, c'est le Canada contre le Canada qui va affronter la Finlande. La Finlande. À quoi s'attendre pour ce match-là? Ben, tu sais, la Finlande, c'est pas le pays le plus savoureux, si je te dirais. Ouais. C'est un pays qui, sur papier, n'est pas si impressionnant, surtout que les Finlandais ont perdu Rasmus Kupari, qui était leur meilleur attaquant. Mais c'est une équipe qui travaille toujours en unité de 5. C'est une équipe qui a un gardien qui est excessivement dominant dans ce tournoi-là. Donc, c'est une équipe qui est dure à battre parce qu'il n'y a pas de superstar. Il n'y a personne qui est plus grand que personne. Puis le gardien, comme je te dis, Justus Annunen, 6 pieds 4, 210 livres, a blanchi les Américains en quart de finale. C'est un gardien qui est sur une bonne lancée. Probablement le meilleur gardien actuellement dans le tournoi. Donc, je m'attends à un match très serré. Je m'attends à une bonne performance des deux équipes. Comme j'ai dit tout à l'heure à Pierre Rinfret sur les ondes du 91.9 à Montréal, je m'attends à un match serré remporté par le Canada parce que je pense que les Canadiens vont capitaliser en avantage numérique. avec Lafrenière qui est de retour, le jeu dominant de Barrett Hayton, cette équipe-là est très solide, très liée en avantage numérique. Puis je pense que les Finlandais vont en avoir plein les bras. Mais si les Finlandais sont disciplinés et que Anunen goal bien... Habituellement, ils sont disciplinés. C'est une équipe qui suit plein de matchs. Exact. Hein? Ça sera pas facile. Je pense que ça va être très serré, mais je vois pas pourquoi le Canada perdrait contre les Finlandais. OK. Dans l'autre match, c'est la Suède contre la Russie. La Russie qui est aussi que ça depuis le début du tournoi. Je suis pas d'accord avec toi, man. Ouais. Je te dirais que les Russes, pour moi, m'ont vraiment, vraiment surpris. C'est un pays qui... Ils ont gagné quand même 6-0 contre le Canada, mais après ça... C'est la défaite face aux Tchèques en entrée de rideau là, qui a fait un peu mal à leur fiche, qui fait en sorte qu'ils affrontent la Suède demain, parce que techniquement, les Russes se devaient de battre les Tchèques. Ça a été là où il y a eu une tâche au dossier, mais somme toute, c'est une équipe qui travaille bien, qui a marqué quand même beaucoup de buts dans le tournoi. Yaroslav Askarov est revenu devant le filet après avoir laissé sa place à son adjoint. Donc, je pense que c'est une équipe qui est stabilisée, qui va donner beaucoup, beaucoup de maux de tête aux Suédois. Assurément, la meilleure demi-finale des deux, à mes yeux. Ouais. Je pense que les Suédois vont réussir à gagner, mais tu sais jamais avec les Russes. C'est le pays le plus difficile à saisir parce que c'est tout ou pas pantoute. Les Russes peuvent gagner 7-1 demain face aux Suédois, comme ils peuvent perdre 5-0. T'sais. Ouais, c'est sûr que c'est... la blessure de Lafrenière, on a eu peur, hein? Je suis content au final, Danny, parce que c'est un petit bonhomme qu'on s'est attaché beaucoup à lui cette année, l'année passée aussi, parce que, écoute, le dernier Québécois qui était repêché premier overall, c'est Marc-André Fleury, c'était en 2003. Ouais. Donc, tu sais, on a la chance d'avoir enfin un Québécois, un prodige, qui va être repêché au Centre Bell le 26 juin prochain. Il n'y en a plus de débat, là, tu sais, Lafrenière, c'est ça, clairement... C'est ça, je t'entendais en 91-9 avec Pierre Rinfret, c'est passé, il disait que Quentin Byfield, ben, Byfield, 6 pieds 5, 240 livres, ouais, c'est quand même pas un mauvais... On n'est plus en 1980, là, ça brasse plus comme avant, puis c'est pas juste la shape, puis, tu sais, Byfield, c'est un Mark Scheifele, puis c'est bien correct, puis je suis bien content pour lui, puis ça va être un très bon joueur dans la Ligue nationale. Mais Alexis Lafrenière, tu le regardes jouer, puis c'est dans une classe complètement à part. C'est probablement le meilleur joueur du Canada, puis il n'est même pas repêché. Non, c'est vrai. C'est vraiment intéressant. J'en parlais avec Marc Fortier hier. Est-ce que, d'après toi, est-ce que l'Océanique a son mot à dire parce qu'on a été prudent quand même. Moi, pendant qu'il était blessé, puis on ne savait pas la gravité, je pensais à l'Océanique. Est-ce que l'Océanique a son mot à dire, parce que c'est l'équipe canadienne? C'est ni un ni l'autre. C'est vraiment c'est Lafrenière, je pense. C'est un joueur qui a atteint un statut où il a le droit de décider par lui-même. Je pense que c'est avec lui, avec ses parents, avec son agence. Je pense pas que c'est un joueur qui va écouter son équipe junior. Je pense pas que il va consulter, là, mais si Lafrenière décide qu'il joue parce qu'il veut faire gagner son pays. Et que le médecin, parce que le médecin a un impact assurément. Le médecin ne donne pas le feu vert, Alexis Lafrenière n'est pas sur la glace. Mais je pense pas que l'Océanique a son mot à dire, surtout dans ce tournoi-là. Je pense pas que Serge Beausoleil a appelé Dale Hunter. OK. C'est ça que je demandais. Well, on va faire une pause, puis je veux te parler des prospects du Canadien lors de ce championnat du monde. Vous êtes à l'écoute de la. En cette période du temps des fêtes, le moment est venu de se rappeler des gens qui font notre succès. Les entreprises Rodrigue Piquette aimeraient remercier sa distinguée clientèle qui les a encouragés pendant la dernière année. Paix, bonheur et surtout santé, c'est ce que vous souhaitent le personnel et la direction des entreprises Rodrigue Piquette du 410 8e avenue d'Olbeau-Mistassini, 418-276-2275. Et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivité. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacques-Indoussin, 88-276-61-70. Excellent, SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets, ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On est de retour dans le Radio Sport avec Will. Will, on va parler des joueurs maintenant qui appartiennent aux Canadiens qui étaient à ces championnats du monde-là. Cole Caulfield a marqué un but en prolongation. Est-ce qu'on peut dire que Cole Caulfield a été décevant ou vraiment, là, je sais qu'on l'a séparé avec Alex Turcotte à un moment donné? Ben, Caulfield n'a pas été décevant. Caulfield n'a pas joué. Ouais. Ça s'arrête là. Ça a été, comme je disais à Pierre tout à l'heure, ça a été un coaching absolument pitoyable de la part de Scott Sandelin et des États-Unis. La composition des trios tout le long du championnat, ça a été très mal fait, très mal composé. Des mauvais fits autant en défensive qu'en offensive. Écoute, pratiquement à chaque rencontre, quand on perdait, on boudait Caulfield toute la rencontre. Puis soudainement, quand il restait 3 minutes, « Ah ouais, Caulfield, va sur la glace, fais-nous gagner. » Mais ça fonctionne pas comme ça. Le gars est fret, le gars a perdu beaucoup de confiance. J'ai détesté le dernier match face aux Finlandais parce que Caulfield a pratiquement pas joué, 4 minutes seulement en première période. L'attaquant l'a moins utilisé des Américains dans cette première période-là. Puis soudainement, en troisième période, il restait 5 minutes. Il a joué 4 minutes dans ces 5 minutes-là. T'sais, on l'a utilisé un peu comme un bouche-trou, mais je pense que c'est un gars qui aurait pu marquer 5, 6, 7 buts facilement pendant le tournoi. Là. Donc, je serais pas prêt à critiquer Caulfield. Là. C'est un gars qui a tellement mal été utilisé que c'était dur pour lui de se battre. Ouais. OK. Jordan Harris. J'ai beaucoup aimé Harris. Probablement l'un des 3 meilleurs défenseurs des Américains avec Zach Jones puis Keandre Miller. Beaucoup de temps de glace, beaucoup de confiance. On l'a amené dans des situations où c'était intéressant de le voir évoluer, là, autant en avantage numérique, en désavantage numérique à 5 contre 5. T'sais, bon patineur, bonne première passe, bon fabricant de jeu. C'est un gars qui est très, très à l'aise sur la glace. Moi, je le vois, tu sais, je suis capable de le projeter dans la Ligue nationale avec le Canadien, puis je le vois bien jouer. Bon dans les deux sens de la patinoire, pas nécessairement bon dans les deux sens, c'est ça de Jordan Harris, c'est ça que Simon Boivet disait. Alexis Romanov. J'ai beaucoup aimé, tu sais, au début du tournoi, je te disais que c'était peut-être lui que j'aimais le moins dans les 3, là, si on ajoutait Norlander. Tu vois, je pense qu'au final, c'est lui que j'ai le plus aimé dans ce tournoi-là. Mm. Il a été très, très bon. D'ailleurs, on va avoir la chance de le voir encore demain face aux Suédois. C'est un défenseur qui est tellement, tellement confiant. J'ai pas le choix de me rappeler Markov dans ces âges-là. Oh. Je trouve ça le fun parce qu'on l'a jamais remplacé vraiment, Markov, à Montréal. Est-ce que c'est Romanov qui va venir jouer ce rôle-là? On partira pas trop tôt là-dessus, mais il y a quand même des chances parce que Markov donnait sensiblement le même genre de jeu à cet âge-là. Le même genre de patineur, le même genre de mentalité. On l'amenait en avantage numérique, on l'enlevait en désavantage numérique. Donc, il y a beaucoup de parallèles à faire entre Markov et Romanov. Pas juste parce qu'ils sont russes, mais parce que dans leur style de jeu, il y a beaucoup de ressemblances. Mais dans les 3, c'est... En fait, je pense que ça a été le meilleur espoir du Canadien dans ce championnat-là. OK, Mathis Nylander. Mais on l'a pas vu beaucoup, mais j'ai quand même eu la chance de voir des bons flashs. Je pense qu'il va jouer demain face aux Russes, parce que c'est quand même un défenseur qui est très responsable défensivement. Et face aux Russes, on en aura besoin. Donc, puis Rasmus Sandin est encore blessé, je pense. Donc, je pense qu'on va voir Norlinder demain, mais ça a été plus dur, un peu comme dans le cas de Caulfield, là, ça a été plus dur pour lui de l'analyser. OK. Well, on se reparle vendredi prochain pour parler de la Ligue de hockey junior du Québec. Absolument. Salut, Dan. André Ouellet du site paramounthockey.com et également de l'Étoile du Lac.